Le ghetto se porte à l'esprit comme une sangsue, un pavé du sang dessus. Les douches brûlent pour des milliers de sang. Les gosses tuent quand les parents se tuent. L'apparence prime, belle Mercedes et l'assurance crime. Rame les cimes, t'es pas Tony Montana, t'es cime. Coup de crapule, le sang sur tes mains, c'est l'estime. L'oseille se balade, t'es le chasseur de prime. Traîne pas dans le vide, un spliff trop chargé. T'auras besoin de ton speed quand les gradés vont le charger. Car j'ai vu trop de flingues, monte déchargé. Vu trop de gosses, monte déchargé. Des fauves, monte déchargé. Canossier pour décharger. Point de rival, les jeunes se régalent à mort. Fait bander, abandonné comme devant le vide, les yeux bandés. La cité quatre murs, un état d'esprit. Scène sensuelle, crime pur, peine ça à l'esprit. Elle se déplace, habite les corps comme une épidémie. Même chez les socs, trop de chaleur sur mon épidermie. Ghetto 2000, trop de vis, on avait prédit. Galaxie de glace, fini les cartes de crédit. L'avenir doit payer plus qu'un élite, plus qu'un braco garni. Faut se plaindre comme US Army. Avoir plus d'oseille que d'air de sommeil. Libéralisme, fait coq qu'un autre sommeil. C'est de la cocaïne. Les jeunes marchent à la protéine. G-H-E-D-D-O-2-2-0. Le ghetto c'est de la cocaïne. Les jeunes marchent à la protéine. Rêve américain, syndicat du crime. Les jeunes caïds se réunissent comme au Medef. Tous def, ça fait gamberger de trimer en bas. Les crèves fauchent le blé comme les mioches du coach à Bamba. Trop peu de scrupules pour des types affamés. Profit sur la cam, le savoir-faire se pèse au cram près. Toto les gens deviennent dingue-fang à tour de bras. Ghetto gros bras, crame le sol comme Stallone d'un cobra. Micro-société des boss, crée des emplois. Appel aux crevards, motivés comme des soldats. Une paix royale mais rien d'égal. Quand seulement 35 heures peuvent être fatales. La balance bascule, tout le monde bouscule. Pour le trésor d'or, tout le monde s'encule. Les jeunes se foutent du bien ou du mal. Illégal ou légal, de nos jours y'a plus de morale. Chômeur officiel, plein des officieux. La prime du mois est décernée aux plus vicieux. Dans licenciement, c'est ta tête qu'on expose. Plus de sursis quand arrive l'overdose. G-H-E-D-D-O-O-2-2-0. Le ghetto c'est de la cocaïne. Les jeunes marchent à la protéine. G-H-E-D-D-O-O-2-2-0. Le ghetto c'est de la cocaïne. Les jeunes marchent à la protéine. Tu veux peser, te lancer dans ce dur business. Là, cesser les pures nuits de sexe, mais ça finit sec. Tu passes au cachet subitex. Un Benzan pour celui qui tourne par an. Dans la zone, la pure transforme en poudre marron. Le daron, boulot, dodo, sans repos. Le fils baron, ghetto, coco, c'est repos. Stressé la dernière fois que je t'ai vu marcher dans la rue. J'avais le sachet dans le tube, peut-être caché dans le cul. Tu veux une salope qui te séduit par son déshabillage. Ou la coque, qu'elle sorte son étui à maquillage. Tu veux le monde à toi, mais si tu voles pas droit, tu feras pas ta loi. Rappelle-toi, n'encule pas les boss. C'est sur ta vie qu'ils feront un tressoir. Fallait le prévoir, un affamé payé en blé noir. Tu veux les narines en or comme Mick Jagger. J'ai vu tellement de pauvres qui se piquent, seigneur c'est le G-H-E-D-D-O-2-0. Le ghetto c'est de la cocaïne. Les jeunes marchent à la protéine. G-H-E-D-D-O-2-0. Le ghetto c'est de la cocaïne. Les jeunes marchent à la protéine. Ouais, pour tous les quartiers chauds. Quartier de la Toulousaine. Ouais, les limites. Hein? Son prochain, même. Hein? Tu crois quel honneur, hein? Payer ton cocaïne. Laisse-moi avec mon shit et mes masses. Hein?